Chapitre 4. Comment Lazare entra au service d'un écuyer et ce qui lui advint étant en sa compagnie. Je fus donc contraint de tirer force de faiblesse et, peu à peu, avec l'aide des bonnes gens, gagnai cette insigne cité de Tolède où, par la grâce de Dieu, au bout de 15 jours, ma blessure se ferma. Tant que je fus malade, on me donnait toujours quelque aumône. Mais aussitôt que je fus guéri, tous me disaient « Propre à rien, galefretier, cherche un maître à qui servir. » « Et où le trouver, ce maître ?» répondais-je en moi-même. « À moins que Dieu ne m'en crée un maintenant, tout exprès comme il a créé le monde. » Passant ainsi de porte en porte et fort mal secouru, car il y a beau temps que la charité est remontée au ciel, Dieu me fit rencontrer un écuyer, qui allait par la rue convenablement vêtu, bien peigné, et marchait à pas cadencés et réguliers. Nous nous regardâmes l'un l'autre, et il me dit « Garçon, cherches-tu un maître ?»« Oui, monsieur, » répondis-je. « Eh bien, viens avec moi. Dieu t'a fait grâce en te mettant sur mon chemin. Tu as dû dire aujourd'hui quelque bonne raison. » Je le suivis, remerciant Dieu pour ce que je venais d'entendre, et aussi parce qu'à son habit et maintien, je reconnus que ce maître était celui dont j'avais besoin. Il était de bon matin lorsque je rencontrai ce troisième maître qui me fit traverser derrière lui une grande partie de la cité. Nous passâmes par les places où l'on vendait le pain et les autres provisions. Je pensai, voire même désirai, qu'il m'y chargeât de vivres, car c'était l'heure précisément où l'on a coutume de se pourvoir au nécessaire. Mais à grande enjambée, il passait devant ces choses. Peut-être n'y voit-il rien qui soit à son goût, et veut-il que nous achetions ailleurs, me disais-je. Nous marchâmes ainsi jusqu'à 11 heures sonnées. Alors il entra dans la grande église, et moi après lui. Et je le vis ouïr la messe et les autres offices divins, fort dévotement, jusqu'à ce que tout fût fini et les gens retirés. Puis nous sortîmes, et, allongeant le pas, commençâmes à descendre une rue. Je le suivais, le plus joyeux du monde, de ce que nous ne nous étions pas occupés de chercher une nourriture, estimant que mon nouveau maître était homme qui se pourvoyait en gros et que le dîner devait déjà être servi tel que je le pouvais désirer et en avait même besoin. L'horloge sonna 1 heure après midi, au moment où nous arrivâmes devant une maison, au seuil de laquelle mon maître s'arrêta et moi aussi. Et renversant le bord de son manteau sur son côté gauche, il tira de sa manche une clé et ouvrit la porte. Nous pénétrâmes dans la maison, dont l'entrée était si obscure et lugubre qu'elle paraissait devoir terrifier ceux qui s'y engageaient, combien qu'à l'intérieur il y eut une petite cour et des chambres passables. Aussitôt que nous fûmes entrés, mon maître ôta de dessus lui son manteau et, après m'avoir demandé si j'avais les mains nettes, me le fit secouer et plier avec lui. Puis, soufflant très proprement un siège de pierre, l'y déposa. Cela fait, il s'assit à côté de son manteau et s'informa très particulièrement d'où j'étais et comment j'étais venu en cette cité. Je lui en donnai plus long compte que je n'eusse voulu, car il me semblait être plutôt l'heure de mettre la table et dresser le potage que de répondre à des questions. Toutefois, je le satisfis à l'endroit de ma personne du mieux que je sus mentir, lui disant mes qualités et taisant le surplus, qui ne me parut pas pour être dit en chambre. Après cela, il resta un moment silencieux, ce que je tins pour un fâcheux présage, attendu qu'il était déjà près de 2 heures et que je ne lui voyais pas plus d'envie de manger qu'à un mort. Puis je considérai ceci, qu'il tenait sa porte fermée à clé, qu'on n'entendait en haut ni en bas nulle personne vivante marcher par la maison et que tout ce que j'y avais vu était des murs, sans chaises, dressoirs, bancs ni tables, sans même un coffre comme celui d'antan. Cette maison, enfin, paraissait enchantée. Là-dessus, il me demanda « Garçon, as-tu mangé ?»« Non, monsieur, » répondis-je, « car 8 heures n'avaient pas encore sonné lorsque je rencontrai votre grâce. » Eh bien, moi, pour matin qu'il fût, j'avais mangé, et je dois te dire que quand je mange ainsi quelque chose, je reste jusqu'au soir sans rien prendre. Ainsi, passe-toi comme tu pourras. Nous souperons plus tard. » Croyez bien, monsieur, que lorsque j'ouïs cela, il s'en fallut de peu que je ne tombasse de mon haut, non pas tant de faim que parce que je connus clairement que fortune m'était en tout contraire. Je me rappelai de nouveau toutes mes fatigues et recommençai à pleurer mes misères. À la mémoire me vint cette considération que je fis lorsque je pensais quitter le prêtre, que bien qu'il fût maître néfaste et misérable, par aventure, il pouvait m'arriver d'en rencontrer un pire. Finalement, je pleurai ma laborieuse vie passée et ma prochaine mort à venir. Toutefois, dissimulant du mieux que je pus, je lui dis : « Monsieur, je suis enfant et ne me tourmente pas beaucoup pour manger. Dieu soit béni, je puis me vanter d'être des moins goulus parmi ceux de mon âge. Et jusqu'à ce jour, j'ai été tenu pour tel par les maîtres que j'ai servis. C'est une vertu, cela, et je t'en aimerais mieux, car c'est affaire aux pourceaux de se gorger et aux hommes de bien de manger modérément. » « Je t'ai bien compris, dis-je entre mes dents. Maudite soit telle médecine et vertu que ces maîtres que je rencontre découvrent dans la faim. » Alors je m'assis dans un coin près de la porte et tirai de mon sein quelques morceaux de pain qui m'étaient restés de l'aumône. Voyant cela, il me dit : « Viens ici, garçon, que manges-tu ? » Je m'approchai et lui montrai le pain. Des trois morceaux que je tenais, il en prit un, le plus gros et le meilleur, et me dit : « Par ma vie, ce pain semble bon. » « Comment, répondis-je, vous le trouvez bon maintenant ?»« Oui, ma foi, d'où l'as-tu ? Penses-tu qu'il ait été pétri par des mains nettes ?»« Cela, je ne saurais le dire, mais pour moi, je n'en suis pas dégoûté. » »« Allons, plaise à Dieu qu'il en soit ainsi, » dit mon pauvre maître. Et le portant à sa bouche, il commença à lui donner d'aussi féroces coups de dents que moi aux autres morceaux. « Par Dieu, ce pain est le plus savoureux du monde, » dit-il. Voyant de quel pied il clochait, je me hâtai, car je le vis en disposition, s'il terminait avant moi, de m'offrir ses services pour m'aider à manger le reste. Aussi, achevâmes-nous quasi en même temps. Alors, il se mit à secouer avec ses doigts quelques rares miettes et bien menues qui lui étaient demeurées sur la poitrine. Puis, il entra dans une petite chambre qui était auprès et en rapporta une cruche ébréchée et pas trop neuve qu'il me tendit après en avoir bu. Moi, pour faire le tempérant, je lui dis : « Monsieur, je ne bois pas de vin. » « C'est de l'eau, me répondit-il, tu peux bien en boire. » Je pris donc la cruche et bus, mais pas beaucoup, car mon angoisse n'était pas de soif. Nous demeurâmes ainsi jusqu'à la nuit à deviser de choses dont il désirait s'enquérir, moi lui répondant du mieux que je savais. Sur ces entrefaites, il me mena dans la chambre où était la cruche dont nous avions bu et me dit : « Garçon, mets-toi là et regarde comment nous ferons ce lit afin que dorénavant tu saches le faire. » Je me plaçai d'un côté et lui de l'autre et nous fîmes le pauvre lit où il n'y avait guère à faire, car il n'était formé que d'une clé de canne portée par des tréteaux sur laquelle était posée la chose qui, sans en avoir l'air, à cause qu'elle était peu accoutumée d'être lavée et contenait beaucoup moins de laine qu'il n'eût été besoin, servait de matelas. Nous l'étendîmes, faisant notre possible pour l'amollir, mais inutilement, car il est malaisé de rendre le dur tendre. Et ce diable de bas était si complètement vide que, mis sur la clé de canne, toutes les cannes s'y dessinaient au point qu'à le voir, on eût dit l'échine d'un fort maigre pourceau. Sur cet affamé matelas, nous mîmes une couverture de même qualité et dont je ne pus distinguer la couleur. Le lit fait et la nuit venue, mon maître me dit : « Lazare, il est tard déjà, et d'ici à la place, il y a loin, sans compter qu'en cette cité rôde beaucoup de larrons qui volent les manteaux. Passons cette nuit comme nous pourrons, et demain, au matin, Dieu nous fera miséricorde. Comme je vis seul ici, je ne suis nullement pourvu, d'autant que ces jours derniers j'ai mangé dehors. Mais maintenant, nous nous y prendrons autrement. « Monsieur, répondis-je, ne vous mettez pas en peine de moi. Je sais bien passer une nuit et même plus sans manger. »« Tu t'emporteras mieux, dit-il, car, comme nous le disions aujourd'hui, rien dans ce monde ne fait vivre si longtemps que de peu manger. » Si cette voie est la bonne, dis-je à part moi, je ne mourrai jamais, car j'ai toujours gardé cette règle par force et compte même, telle est ma malchance, l'observer toute ma vie. Mon maître alors se mit dans le lit et de ses chausses et pourpoints se composa un chevet, puis me commanda de me coucher à ses pieds, ce que je fis. Mais du diable si je puis dormir un seul somme, car les cannes et mes os ressortis ne firent toute la nuit que s'entre-heurter et se quereller. Aussi bien n'y avait-il plus dans mon corps, à cause de la faim, des fatigues et misères que j'avais endurées, une livre de chair, joint que n'ayant ce jour-là presque rien mangé, j'étais exaspéré par la faim, qui, avec le sommeil, ne faisait pas bon ménage. Mille fois, Dieu me le pardonne, je me maudis, moi et ma méchante fortune, pendant la plus grande partie de la nuit, et qui pisait, n'osant pas remuer de peur d'éveiller mon maître, je requis plusieurs fois la mort à Dieu. Le matin venu, nous nous levâmes. Mon maître commença à nettoyer et à secouer ses chausses, son pourpoint, son sail, son manteau et moi-même, qui lui servait de porte-manteau, puis s'habilla à sa convenance et tout à loisir. Je lui versai de l'eau sur les mains, et ensuite il se peigna, mit son épée à sa ceinture, et, au moment de l'y passer, me dit « Oh, si tu savais, garçon, quelle pièce c'est ! Certes, il n'y a pas au monde de marque d'or contre lequel je l'a voulu se changer, et à aucune de celles qu'il l'a faite, Antonio n'a réussi à donner une trempe aussi fine que celle-ci. » Et, la tirant du fourreau, la tâta avec ses doigts en disant « Avec elle, vois-tu, je m'offre à trancher un flocon de laine. Et moi, dis-je bas, avec mes dents, quoiqu'elles ne soient pas d'acier, un pain de 4 livres. » Il rengaina son épée et ceignit sa ceinture, où il pendit un chapelet de grosses pattes nôtres. Puis, s'avançant d'un pas compassé, le corps droit, en faisant ainsi que de la tête de fort gracieux balancements, le bout de la cape ramené tantôt sur l'épaule, tantôt sur le bras, la main droite au côté, sortit par la porte, en disant « Lazare, veille sur la maison pendant que je vais ouïr la messe. Fais le lit et va remplir la cruche à la rivière qui passe ici en bas. Mais ferme la porte à clé, de peur qu'on ne nous vole quelque chose. Et mets la clé au gond pour que, si je viens en ton absence, je puisse rentrer. » Puis, il monta la rue d'un si bel air et si gentil maintien qui ne l'eût pas connu, l'aurait pris pour un très proche parent du comte Alarcos, ou tout au moins pour le valet de chambre qui lui donnait ses vêtements. « Béni soyez-vous, ô mon Dieu, dis-je lorsqu'il fut sorti, qui donnait la maladie et envoyait le remède. Qui donc, rencontrant ce mien maître, ne jugerait pas au contentement qu'il montre de soi, qu'il a hier soir bien dîné, bien dormi dans un bon lit, et quoiqu'il soit encore de bonne heure bien déjeuné ce matin? Grands sont les mystères que vous opérez, Seigneur, et que le monde ignore. Qui ne serait trompé par ce beau port, ce manteau et ce sail en bon état, et qui voudrait croire que ce gentilhomme s'est toute la journée d'hier sustenté de cette bribe de pain que Lazare, son serviteur, avait gardé un jour et une nuit dans l'arche de son sein, où ne s'y pouvait pas attacher beaucoup de propreté, et qu'aujourd'hui, après s'être lavé les mains et le visage, il se soit, à défaut d'essuie-mains, servi du pan de son sail, personne assurément ne le soupçonnerait. Ô Seigneur, et combien en devez-vous avoir des parts par le monde qui, pour cette malédiction qu'il nomme honneur, souffre ce qu'il ne souffrirait pas pour vous ? Je restai ainsi sur le pas de la porte, réfléchissant à ces choses et regardant le Seigneur mon maître jusqu'à ce qu'il eût tourné le coin de la longue et étroite rue. Puis je rentrai et, en un credo, parcourus toute la maison du haut en bas, sans y trouver sur quoi je puisse seulement mettre la main. Je fis le noir et pauvre lit et, prenant la cruche, dévalai à la rivière où, dans un jardin avoisinant, je vis mon maître en grande conversation amoureuse avec deux femmes, en apparence de celles dont ce lieu est bien fourni et qui ont pour coutume les matinées d'été d'aller prendre le frais et déjeuner sans porter de quoi le long de ces fraîches rives dans l'espoir qu'elles ne laisseront pas d'y trouver quelqu'un qui les régale, selon l'habitude que leur en ont donné les nobles galants de ce lieu. Mon maître, comme je l'ai dit, était au milieu d'elles, semblable à Mathias l'énamouré, et leur disait plus de douceur que n'en a décrite Ovide. Lorsqu'elles sentirent qu'il était bien attendri, elles n'eurent nulle vergogne de lui demander à déjeuner, en échange du paiement accoutumé. Lui, qui se sentait aussi froid de bourse que chaud d'estomac, en éprouva un tel chaud et froid qu'il en perdit la couleur du visage et commença à se troubler dans son discours et à donner des excuses non valables. Mais elles, qui sans doute étaient bien enseignées, connurent aussitôt sa maladie et le plantèrent là pour ce qu'il était. Pendant ce temps, je mangeai certains trognons de choux qui me tinrent lieu de déjeuner. Puis, sans être vu de mon maître, en grande hâte, comme il convient à un nouveau serviteur, je regagnai le logis. J'en voulus balayer quelques parties, car il en avait bien besoin, mais n'ayant pas trouvé ce qu'il me fallait pour cela, je me demandai ce que j'allais faire. Il me parut bon d'attendre mon maître jusqu'au milieu du jour, au cas où il viendrait et par aventure apporterait quelque chose à manger. Mais mon attente fut vaine. Aussi, lorsque 2 heures furent sonnées et que je vis qu'il ne venait pas, la faim me torturant, je fermai la porte, mis la clé où il m'avait dit et repris mon métier avec une voix basse et plaintive, les mains jointes sur ma poitrine. Dieu devant mes yeux et son nom en ma bouche, et recommençai à quémander par les portes et les maisons qui me parurent les plus riches. Or, comme ce métier je l'avais sucé avec le lait, je veux dire que je l'avais appris du grand maître l'aveugle, j'y étais devenu si habile disciple qu'encore qu'il n'y eût pas en ce lieu de charité et que l'année fût peu abondante, je m'y pris de telle manière qu'avant que l'horloge eût sonné 4 heures, j'avais autant de livres de pain enfoui dans mon corps et en tenais 2 en outre dans mes manches et mon sein. Je retournai au logis et, passant devant la triperie, une des femmes à qui je demandai me donna un morceau de pied de bœuf avec quelque peu de tripes cuites. En arrivant à la maison, j'ai trouvé mon bon maître qui, ayant plié son manteau et l'ayant posé sur le siège de pierre, se promenait dans la cour. Comme j'entrai, il vint au-devant de moi. Je crus qu'il allait me gronder d'être trop longtemps demeuré, mais Dieu l'inspira mieux. Il me demanda d'où je venais. Je lui dis « Monsieur, jusqu'à 2 heures sonnées, je suis resté ici, et voyant que votre grâce ne venait pas, je suis sorti par la cité me recommander aux bonnes gens qui m'ont donné ceci. » Et lui montrai le pain et les tripes que je portais dans une basque de mon vêtement. À quoi il fit bon visage et dit « Eh bien, moi, je t'ai attendu pour dîner, et ne te voyant pas venir, j'ai mangé. Mais tu t'es conduit en honnête homme. » Car mieux vaut demander pour l'amour de Dieu que de voler. Et ainsi, Dieu me vienne en aide comme je trouve bon ce que tu as fait. Seulement, je te recommande qu'on ne sache pas que tu vis avec moi, pour ce qui regarde mon honneur, quoique je pense que cela restera secret, car on me connaît peu en ce lieu, ou plût à Dieu que je ne fusse jamais entré. N'ayez à ce sujet nulle inquiétude, monsieur, répondis-je. Qui diable me le demanderait, et à qui le dirais-je? « Allons, dit-il, mange donc, pauvre, et s'il plaît à Dieu, nous nous verrons bientôt hors du besoin, quoique je doive te dire que depuis que je suis entré dans cette maison, rien ne m'a réussi. Elle doit être de mauvais sol, car il y a des maisons maudites et de mauvais fondements qui communiquent le malheur à ceux qui y habitent. Celle-ci sans doute est du nombre, mais je te promets que, passé ce mois, je n'y resterai pas, dût-on m'en donner la propriété. » Je m'assis au bord du siège et, de peur qu'il ne me réputât goulu, je lui tue la collation que j'avais faite et me mis à souper et à mordre mes tripes et mon pain, tandis qu'à la dérobée, je regardais l'infortuné qui ne pouvait détacher ses yeux de mes basques dont je m'étais fait une assiette. Dieu veuille avoir pour moi autant de compassion que j'en ressentis alors pour mon maître, car j'avais éprouvé ce qu'il éprouvait, et bien des fois, l'avais enduré et l'endurais encore. Je me demandais si je lui ferais la politesse de le convier à manger, mais comme il m'avait dit avoir dîné, je craignais qu'il n'acceptât pas l'invitation. Toutefois, je désirais que le pêcheur remédiât à sa misère à l'aide de la mienne et déjeunât comme il l'avait fait la veille, d'autant que j'avais plus ample provision, que mes vivres étaient meilleurs et ma faim moindre. Or, Dieu voulut contenter mon désir et en même temps je pense que celui de mon maître, car, comme je commençais à manger, lui, qui se promenait, vint à moi et me dit « Je t'assure, Lazare, que tu as en mangeant meilleure grâce que ne vis oncle à homme du monde, et que personne ne peut te regarder manger à qui tu ne donnes appétit, encore qu'il n'en ait point. Le fort grand que tu as te fait estimer beau le mien, dis-je en moi-même. Cependant, puisqu'il imitait du sien et m'ouvrait la voie, il me parut que je devais l'aider. Je lui dis « Monsieur, le bon outil fait le bon ouvrier. Ce pain est des plus savoureux, et ce pied de bœuf si bien cuit et bien assaisonné que quiconque le verrait en aurait envie. »« C'est du pied de bœuf ? » dit-il. « Oui, monsieur. Or, te dis que c'est le meilleur morceau du monde. Il n'y a pas de faisan que je goûte autant. » Goûtez-en donc, monsieur, et vous verrez si j'ai raison. » Je lui mis entre les mains le pied et 3 ou 4 rations de mon pain le plus blanc. Il s'assit à côté de moi et commença à manger comme qui en a envie, rongeant jusqu'aux os les plus menus, mieux que n'eût fait son propre lévrier. Avec une sauce à l'ail, dit-il, ce manger-là est exquis. La sauce à laquelle tu le manges est encore meilleure, dis-je tout bas. Par Dieu, continua-t-il, je m'en suis régalé comme si je n'avais rien mangé de toute la journée. Me vienne la bonne année comme cela est vrai, dis-je à part moi. Il me demanda la cruche à l'eau que je lui donnais telle que je l'avais rapportée de la rivière, preuve, puisqu'il n'y manquait rien, que mon maître n'avait pas dîné avec excès. Nous bûmes et très contents fûmes dormir comme la nuit précédente. Pour abréger, je dirais que nous vécûmes ainsi 8 ou 10 jours. Mon pêcheur de maître sortant le matin, toujours avec ses mêmes contentements et des marches mesurées à humer l'air par les rues, tandis que le pauvre Lazare lui servait de pourvoyeur. Souvent, je pensais à ma déplorable fortune. Avoir quitté les mauvais maîtres que j'avais eus pour trouver mieux et en rencontrer un qui non seulement ne me nourrissait pas, mais que je devais nourrir. Malgré tout, je l'aimais bien, considérais qu'il n'avait ni ne pouvait davantage, et au lieu de lui en vouloir, j'en avais plutôt pitié. Aussi, bien souvent, pour porter au logis de quoi l'entretenir, je m'entretenais mal. Un matin que le pauvre, sorti du lit en chemise, était monté en haut de la maison pour y faire ses besoins, je me mis, afin d'éclaircir mes doutes, à fouiller son pourpoint et ses choses qu'il avait laissées à son chevet et y trouver une petite bourse en velours de soie, plus de 100 fois repliée sur elle-même et sans une maudite blanque ni apparence qu'il y en eût eu depuis fort longtemps. « Cet homme, me dis-je, est pauvre, et personne ne donne ce qu'il n'a pas, mais l'avaricieuse aveugle et le ladre prêtre de malheur qui vivaient de la grâce de Dieu, l'un en baisant la main, l'autre en déliant la langue, et me tuant de faim, ceux-là, il est juste de les haïr, comme il est juste d'avoir compassion de celui-ci. Dieu m'est témoin qu'au jour d'aujourd'hui, quand il m'arrive d'en rencontrer un de sa condition, avec ce port et cette magnificence, j'en ai pitié, à la pensée qu'il souffre peut-être ce que j'ai vu souffrir à celui-ci, qu'il me plaisait plutôt de servir, malgré toute sa misère, que les deux autres, pour les raisons que j'ai dites. D'une chose seulement, j'étais un peu mécontent. J'aurais voulu qu'il n'eût pas autant de présomption et qu'il en abaissât un peu son orgueil à mesure que montait sa nécessité. Mais c'est à ce qu'il semble une règle entre eux observée et suivie qu'encore qu'il n'ait vaillant un denier, leur bonnet reste planté à sa place. Le Seigneur veuille y remédier ou ils mourront de ce mal. Étant donc en tel état et menant la vie que je dis, ma mauvaise fortune, qui, de me poursuivre, n'était point encore satisfaite, ne voulut pas même que je demeurasse en cette misérable et honteuse existence. Car, l'année ayant été stérile en blé, le conseil de la cité décida d'en bannir tous les étrangers pauvres, publiant peine du fouet contre ceux qui y seraient dorénavant rencontrés. Et, en exécution de ce ban, 4 jours après qu'il fut publié, je vis mener une procession de pauvres, confouettés, par les 4 rues principales, ce qui me causa une si grande épouvante que je n'osais plus me risquer à mendier. Alors, qui l'aurait pu voir, eût-ce vu la disette de notre maison, la tristesse et le silence de ses habitants, tellement qu'il nous arriva de demeurer 2 ou 3 jours sans manger une bouchée ni parler une parole. À moi me sauvèrent la vie quelques femmelettes, fileuses de coton, qui faisaient des bonnets et habitaient auprès de nous, avec lesquelles j'avais lié voisinage et connaissance. De la misère qu'on leur portait, elles me donnaient quelques petites choses, de laquelle, presque trépassée, je me passais. Et toutefois, je n'avais pas tant de pitié de moi que de mon infortuné maître, qui, en 8 jours, ne mangea pas un seul morceau. Au moins, à la maison, nous demeurâmes sans manger. Lui, où allait-il? Que mangeait-il? Je ne sais. Néanmoins, vous l'eussiez vu, sur le midi, descendre la rue, le corps raidi, plus long qu'un lévrier de bonne race, et, pour soutenir la maudite vanité qu'il nomme honneur, prendre un brin de la paille dont la maison n'était déjà guère pourvue, et, sortant sur le pas de la porte, se curer les dents, qui entre elles n'avaient rien, tandis qu'il se lamentait sans cesse de ce malencontre logis. Il est mauvais, vois-tu, et c'est le sort désastreux de notre demeure qui est cause de ce qui nous arrive. Elle est lugubre, triste, sombre, et tant que nous y vivrons, nous souffrirons. Je désire que vienne la fin du mois pour en sortir. Ainsi persécuté de faim et de misère, un jour, je ne sais par quelle chance ou aventure, au pauvre pouvoir de mon maître tomba un réal, armé duquel il s'en vint à la maison aussi triomphant que s'il eût eu le trésor de Venise, et d'un air fort satisfait et souriant, me le donna en disant « Tiens, Lazare, voici que Dieu nous entr'ouvre sa main. Va à la place et achète-y pain, vin et viande. Crevons un œil au diable. Et qui plus est, je t'annonce pour que tu t'en réjouisses que j'ai loué une autre maison et que nous ne resterons dans la malencontreuse où nous sommes que jusqu'à la fin de ce mois. Maudite soit-elle et maudit celui qui y posa la première tuile. En malheur j'y suis entré. Par notre Seigneur, depuis que je l'habite, goutte n'y est bu, bouchée de pain n'y est mangée, ni repos aucun n'y est trouvé. Tel est son aspect et telle son obscurité et tristesse. Va et reviens vite et dînons aujourd'hui comme des contes. » Je pris mon réal et ma cruche et, allongeant le pas, montai la rue, me dirigeant vers la place, fort content et de belle humeur. Mais à quoi bon, s'il est écrit en ma triste destinée qu'aucune joie ne me doit venir sans chagrin? Ce fut aussi ce qui m'advint. Comme donc je montai la rue, pensant à quoi j'emploierais mieux et plus profitablement le réal, et rendant grâces à Dieu de ce qu'il avait pourvu mon maître d'argent, voici qu'à l'improviste vint à ma rencontre un mort, que plusieurs prêtres et d'autres gens descendaient sur un brancard au bas de la rue. Je me rangeai contre le mur pour leur faire place. Après le corps et le joignant, venait une femme qui devait être celle du défunt, couverte de deuil et accompagnée de beaucoup d'autres. Elle pleurait et poussait de grands cris, disant « Mon mari et mon seigneur, où vous porte-t-il? À la maison triste et infortunée, à la maison caverneuse et sombre, à la maison où l'on ne mange ni ne boit. » Lorsque j'ouïs cela, je crus que le ciel et la terre allaient se rejoindre. « Oh, malheureux de moi! C'est chez nous qu'il porte ce mort !» Et laissant ma route, fendis par le milieu de la troupe et à toutes jambes redescendis jusqu'à notre maison, qu'après y être entré, je fermai en grande hâte, implorant l'aide et la faveur de mon maître et l'embrassant pour qu'il vînt me secourir et défendre l'entrée. Lui, un peu troublé et croyant qu'il s'agissait d'autre chose, me dit « Qu'est-ce, garçon? Pourquoi cries-tu? Qu'as-tu? Pourquoi fermes-tu la porte avec telle furie ?»« Oh, monsieur, répondis-je, accourez ici, on nous apporte un mort. » »« Comment un mort ?»« Oui, je l'ai rencontré là-haut, et sa femme l'accompagnait en disant « Mon mari et mon seigneur, où vous porte-t-il? À la maison caverneuse et sombre, à la maison triste et infortunée, à la maison où l'on ne mange ni ne boit. » « Oui, monsieur, il nous l'apporte ici. » À ces mots, mon maître, quoiqu'il n'eût pas grand motif de rire, rit tellement qu'il fut un très grand moment sans pouvoir parler. Cependant, j'avais mis le verrou à la porte et m'y étais adossé pour la mieux défendre. Les gens passèrent avec leur mort et, nonobstant, je craignais toujours qu'ils ne vinssent nous le mettre à la maison. Alors mon bon maître, quand il fut plus saoul de rire que de manger, me dit « Oui, certes, Lazare, selon ce que tu as entendu dire à la veuve, tu as eu raison de penser ce que tu as pensé, mais puisque Dieu en a disposé autrement et qu'ils ont passé outre, ouvre, ouvre et va chercher à manger. Laissez, monsieur, qu'il passe le coin de la rue. » Enfin, mon maître vint à la porte de la rue, l'ouvrit et m'animant, ce qui, vu la crainte et le trouble qui m'avait saisi, était bien nécessaire, me remit sur mon chemin. Mais encore que ce jour-là, nous fissions bonne chère, du diable si je pus trouver du goût à rien, et je fus 3 jours sans reprendre la couleur de mon visage. Quant à mon maître, toutes les fois qu'il se ressouvenait de mon aventure, il ne pouvait se tenir de rire. Je vécus ainsi quelque temps avec cet écuyer. Mon 3e et pauvre maître, désirant toujours connaître le motif de sa venue et de son séjour en ce lieu, car dès la première journée que je passai à son service, je m'aperçus qu'il était étranger, au peu de liaison et conversation qu'il avait avec les habitants. Enfin, mon désir fut exaucé et je sus ce que je désirais savoir. Un jour que nous avions convenablement mangé et qu'il était assez satisfait, il me conta son cas. Il me dit qu'il était de Castille-la-Vieille et avait quitté son pays rien que pour ne pas lever son bonnet à un gentilhomme son voisin. « Monsieur, lui dis-je, s'il était ce que vous dites et plus riche que vous, vous n'auriez failli en le saluant le premier, puisque vous dites qu'il vous saluait aussi. »« Oui, il était ce que j'ai dit et plus riche que moi et me saluait aussi. Mais puisque si souvent je lui tirais mon bonnet le premier, il n'eût pas été mauvais qu'il me prévînt quelquefois et me gagna de la main. Il me semble, monsieur, que je n'aurais pas regardé à cela, principalement avec plus grands et plus riches que moi. « Tu es enfant, me dit-il, et n'entends rien aux exigences de l'honneur. En quoi consiste aujourd'hui tout le capital des gens de bien ? Or, je te fais savoir que je suis, comme tu vois, un écuyer, mais que, néanmoins, si je rencontrais le comte dans la rue, et qu'il ne me tira pas, j'entends, complètement bien tiré, son bonnet, en le voyant venir une autre fois, je saurais par Dieu bien, pour ne pas lui tirer le mien, entrer dans quelque maison, feignant d'y avoir affaire, ou passer par une autre rue, avant qu'il ne me rejoigne. Car un noble ne doit rien à d'autre qu'à Dieu et au roi. Et il ne convient pas qu'étant homme de bien, il néglige une minute de priser beaucoup sa personne. Je me souviens qu'un jour, j'outrageai un artisan de mon pays et je voulus porter la main sur lui parce que chaque fois que je le rencontrais, il me disait « Dieu maintienne votre grâce !»« Vous, monsieur le méchant vilain, lui dis-je, pourquoi n'êtes-vous pas mieux appris ?»« Dieu vous maintienne, me dites-vous, comme si j'étais le premier venu. » De ce jour en avant, il me tirait son bonnet d'ici là-bas et me parlait comme il devait. N'est-ce donc pas une bonne manière de se saluer l'un l'autre que de dire « Dieu vous maintienne ?» répliquai-je à mon maître. « Sache, à la malheur, me répondit-il, qu'on dit cela aux gens du commun, mais qu'à un noble comme moi, on doit lui dire au moins « Je baise les mains de votre grâce. » Ou, à la rigueur encore, si celui qui parle est gentilhomme, « Je vous baise les mains, monsieur. » Aussi, à cet homme de mon pays qui me saoulait de maintien, je ne lui voulus jamais souffrir tel salut, ni n'ai souffert ni souffrirai à âme qui vive. Force au roi, qu'on me dise, Dieu vous maintienne. Pauvre de moi, dis-je, je ne m'étonne point qu'il ait si peu souci de te maintenir, puisque tu ne souffres pas que personne ne l'en prie. Surtout, continua-t-il, que je ne suis pas si pauvre que je ne possède dans mon pays un emplacement à bâtir des maisons, qui, si elles étaient sur pied et bien bâties, à 16 lieues de ma naissance, sur cette Costanilla de Valladolid, me vaudrait plus de 200 000 maravédis, tellement on les y pourrait bâtir, grandes et bonnes. Davantage, un colombier qui, s'il n'était pas ruiné comme il l'est, me donnerait chaque année plus de 200 colombes et d'autres choses dont je me tais, que j'abandonnais à cause de mon honneur pour venir à cette cité, pensant y trouver un bon parti. Mais ce que j'attendais ne m'est pas arrivé. Des chanoines et des dignitaires de l'Église, oui, j'en ai trouvé assez, mais ce sont gens si limités que le monde entier ne leur ferait pas forcer le pas. Des gentilshommes de moyenne taille me prient aussi, mais servir tels gens, c'est grande fatigue, car d'homme il faut se convertir en manille, ou sinon ils vous disent « Allez avec Dieu !» Et communément, les salaires sont à long terme et les plus sûrs. Nourriture pour service. Ou s'ils veulent tranquilliser leur conscience et vous récompenser de vos sueurs, de leur garde-robe, ils vous livreront un pourpoint sué, un manteau ou un sailleur à paix. D'autre part, si l'on sert un seigneur tiré, il est vrai qu'on passe sa misère, mais peut-être n'y a-t-il pas en moi habileté pour servir et contenter ceux-ci. Pardieu, si j'en rencontrais un, je pense que je serais son grand mignon et lui ferais mille services. Tout comme un autre, je saurais lui mentir, lui plaire à ravir et trouver charmante toutes ses saillies et ses manières, quand bien même elles ne seraient pas les meilleures du monde. Ne jamais lui dire, encore qu'elle lui importât beaucoup, chose qui pût lui chagriner. Me montrer, à l'endroit de sa personne, fort diligent, en acte et en parole, mais ne pas me tuer pour bien faire ce qu'il n'aurait pas l'occasion de voir. Gronder les serviteurs là où il le pourrait entendre pour paraître soigneux de ses intérêts. Et, si lui-même en grondait un, pour attiser sa colère, lancer quelques pointes aiguisées, mais qui parussent dites en faveur du coupable, rapporter du bien de ce qui lui paraîtrait bien, au contraire, railler méchamment et calomnier ceux de la maison et du dehors, enquêter et chercher à savoir la vie des autres pour la lui raconter, et autres gentillesses de cette qualité qui aujourd'hui sont pratiquées à la cour et plaisent au Seigneur. C'est pourquoi ils ne veulent pas chez eux d'hommes vertueux, mais les haïssent, les méprisent et les traitent de sots, disant qu'ils ne sont point aptes aux affaires et que le maître ne peut pas se reposer sur eux. Avec de tels maîtres, les adroits serviteurs s'accommodent, comme je m'accommoderai, mais ma triste destinée ne veut pas que j'en trouve. En ces termes, déplorait ainsi mon maître son adverse fortune, m'informant de sa valeureuse personne, quand soudain entrèrent par la porte un homme et une vieille. L'homme pour lui réclamer le loyer du logis, la femme celui du lit, et, ayant établi le compte, pour 2 mois le firent redevable de ce qu'il n'eût pu amasser en un an, de 12 ou 13 réaux, je crois. Mon maître leur donna bonne réponse, disant qu'il allait sortir à la place pour changer un doublon, et qu'il revint ce soir. Mais son départ fut sans retour. Ils revinrent sur le tard, mais c'était trop tard. Je leur dis que mon maître n'était point encore rentré. La nuit venue et lui non, j'eus peur de rester seule à la maison et m'en fus chez les voisines auxquelles je contais le cas et qui me gardèrent pour la nuit. Au matin, les créanciers revinrent et s'enquirent du voisin. Mais, voyez à l'autre porte. Enfin, les femmes leur dirent « Tenez, voici son garçon et la clé de la porte. » Ils me demandèrent où était mon maître. Je leur répondis que je ne le savais pas et que, depuis qu'il était sorti pour changer la pièce, il n'était pas revenu, ce qui me faisait croire qu'il s'était sauvé d'eux et de moi avec la monnaie du doublon. Dès qu'ils ouïrent cela, ils furent quérir un alguazil et un greffier. Et les voici qui reviennent avec ces gens, prennent la clé, m'appellent, appellent des témoins, ouvrent la porte et entrent pour saisir le bien de mon maître jusqu'à concurrence de la dette. Ils parcourent toute la maison et, l'ayant trouvé vide, comme je l'ai compté, me dirent « Où est le mobilier de ton maître? Ses coffres, ses tapisseries et ses ustensiles de ménage ?»« Je n'en sais rien, dis-je. » Sans doute ils l'ont enlevé cette nuit et porté quelque part. « Monsieur l'alguazil, arrêtez ce garçon, car il sait où est tout cela. » L'alguazil s'approcha et me mit la main au collet de mon pourpoint en disant « Garçon, je t'arrête si tu ne déclares pas où est le bien de ton maître. » Moi qui ne m'étais jamais vue en telle détresse, car saisie au collet, oui, je l'avais été, mais doucement, pour montrer le chemin à celui qui ne voyait pas. J'eus grand peur, et en pleurant, je promis de répondre à ce qu'il me demandait. C'est bien, dit-il. Dis ce que tu sais et n'aie crainte. Le greffier s'assit sur un siège de pierre pour écrire l'inventaire, me demandant ce qu'il y avait. Monsieur, répondis-je, ce que mon maître possède, à ce qu'il m'a dit, est un fort bon emplacement à bâtir des maisons et un colombier ruiné. Bien, dirent les créanciers, pour peu que cela vaille, il y aura là de quoi éteindre la dette. Et en quelle partie de la cité est situé cela? Dans son pays. Pardieu, voilà notre affaire en bonne voie. Et où est son pays? De Castille-la-Vieille, m'a-t-il dit qu'il était. À ces mots, l'alguazil et le greffier se mirent à rire très fort. Voilà une déposition suffisante pour recouvrer votre dette, encore qu'elle fût plus importante. À ces mots, les voisines qui étaient là leur dirent « Messieurs, cet enfant est un innocent qui, depuis peu, vit avec cet écuyer et ne sait pas plus que vous ses affaires, car même le pauvret s'en venait chez nous et nous lui donnions à manger ce que nous pouvions, pour l'amour de Dieu, et à la nuit, il s'en retournait coucher avec son maître. » Mon innocent se reconnut, ils me lâchèrent et me mirent en liberté. Puis l'alguazil et le greffier demandèrent leurs droits à l'homme et à la femme. Sur quoi il y eut entre eux grand débat et rumeur, parce que ceux-ci prétendirent qu'ils n'étaient pas tenus de se payer, puisqu'il n'y avait rien, et partant point de saisie. Les autres alléguèrent qu'ils avaient laissé d'aller à une autre affaire qui leur importait plus pour venir à celle-ci. Enfin, après avoir beaucoup disputé, un archer saisit la vieille couverture de la vieille, et, quoiqu'il n'en fût guère chargé, néanmoins tous les cinq l'escortèrent je ne sais où. Mais il m'est avis que la pauvre couverture paya pour tous. Ou bien s'employait-elle, car au moment où elle aurait dû reposer et se délasser des fatigues passées, elle se louait encore. Voilà comment me quitta mon pauvre troisième maître. Par quoi j'achevai de reconnaître ma déplorable fortune qui, se déclarant tant et plus contre moi, conduisait mes affaires tout à rebours. Car tandis qu'il est d'usage que les serviteurs abandonnent leur maître, dans mon cas, il en fut autrement, mon maître m'ayant laissé et s'étant sauvé de moi.